Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Eu quero de novo te sentir. Dança, vai, dança pra mim. Até esse chão pegar fogo. Vamos já sair daqui. Caminhando na praia. Dois copos de cerveja. Namora a noite inteira. Estar contigo é tão bom. Sai da roda e me beija. Que o meu corpo incendeia. Quero que todos vejam. Todo dia, todo dia. Fez cair a nossa roupa. Eu quero de novo. Eu quero de novo te sentir. Dança, vai, dança pra mim. Até esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui. Caminhando na praia. Dois copos de cerveja. Namora. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà, très bien, le retour avec l'émission de l'accordéon. Et bien donc, j'espère que pour vous tout se passe très bien pour un dimanche. Et puis j'espère que tout s'est bien passé pour la matinée et que l'après-midi, ça sera aussi pareil que la matinée. Aussi, je rappelle qu'un petit merci à tout simplement Jérôme pour l'émission de ce matin entre 10h jusqu'à 12h30 et puis que vous allez le retrouver la semaine prochaine. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse du côté de la musique d'accordéon et on va débuter comme tout le temps avec la valse et puis juste après le tango. Donc, eh bien, voici donc l'accordéon. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Thank you.

On est entré au petit bal, simple et discret près du canal. Et aussitôt, je suis sentimental. Le tempo boléro. Je t'espère de tout mon cœur. Dans ce court instant, comprendras-tu enfin combien je t'aime? Est-ce que tes pensées iront chercher la rime à mon poème? Ce tempo boléro. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Beijinhos. voilà donc après l'accordéon portugais, voici donc eh bien le tango suivi du foxtrot. Thank you.

c'est un endroit plutôt sympathique, où il fait bon y vivre en musique. Situé dans un beau petit village, avec son bistrot, voilà l'image d'une guinguette et de son équipage. Patron, vite, promets-nous un canon. En dérive et danser, nous on est toujours prêts dans la cour et où nous faire aimer. Vous qui aimez l'ambiance et guinguette, mais donc chez lui c'est manger, boire et danser. Tango argentin ou tango musette, la valse, la java, là c'est comme tu voudras. Un, deux, trois gâchés, puis recommencer. Quand l'accordéon vous donne le grand frisson, que ce soit la rumba qui vous guide le pas. Durch mein Dörf gehen, dann schau ich hin und her, ob irgendwo am Maden steht, mit Augen blau ist mehr. Die Lippen rot wie Erdbeereis, ein Lächeln zu kassiert. Doch horn sich bei mir erste Wohl, wieso sei ich jetzt am Mond? Denn bei Lock wär die Locke, ja, die Raum. Den Verstand, da kann ich gar nichts mehr halten. Ja, das ist der Kollerhand. Ja, bei Luck wär die Luck, das ist so in mir drin. Da kann ich gar nichts dafür. Drum lass sie mich gleich verführen. Ja, bei Luck wär die Luck, das ist so in mir drin. Da kann ich gar nichts dafür. Drum lass sie mich gleich verführen. Hola, da, hola, da, die, hola, hola, da, die, hola. Durch die Straßen gehe, dann schau ich wieder zurück zu meinem lieben Dirndl. Sie macht mich so verrückt. Ihr Charme und ihre Herzlichkeit für jeden Mann ein Traum. Doch wenn ich dann bei ihr bin, hab ich für uns nur Augen. Denn bei ihr wär die Locke, ja, die den Verstand, da kann ich gar nichts mehr halten. Ja, das ist der Kollerhand. Ja, bei Luck wär die Luck, das ist so in mir drin. Da kann ich gar nichts dafür. Drum lass sie mich gleich verführen. Ja, bei Luck wär die Luck, das ist so in mir drin. Da kann ich gar nichts dafür. Drum lass sie mich gleich verführen. Hola, hola, la, die, hola, hola, la, die, hola, la, die.

l'amour, mais c'est toi, fille gentille, dont les yeux brillent. Parle-moi, mes amours d'autrefois, restez fidèles, tu les appelles.

voici donc, eh bien, avec le Madison et suivi de la polka, et bien ainsi de Scottish. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur. Tout en couleur. von Bern, kein Stolz und hoch erhoben, um euch die Heimat, mein Tiroler Land. Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanze und leuchten weit von steiler Felsenwand. Du bist das Land, wenn ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, wenn ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Ein harter Kampf hat dich in zwei geschlagen, von dir gerissen wurde Südtirol. Wie Dolomiten grüßen und von Ferne in roter Glut zum letzten Liebe wohnt. Du bist das Land, das ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, das ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Voilà donc, il est 15h54. Voilà, l'émission bien sûr touche à sa fin. Voilà donc, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez bien écouté l'accordéon, que ça a bien plu. On va se retrouver non pas dimanche prochain, donc le 3, mais on se retrouvera l'autre dimanche prochain. Voilà, ça c'est sûr. Et puis aussi, on se retrouve aussi donc bien pour le mardi, tout simplement, à partir de 13h30 jusqu'à 17h. Ça oui. Voilà donc, eh bien, on va finir bien sûr l'émission de l'accordéon, puis on termine avec le tcha-tcha, puis d'autres avec d'autres chansons pour terminer l'émission. Voilà donc, eh bien, bonsoir à tous et à vous toutes. 3 da tarde em Portugal Continental e na Madeira, 2 horas nos Açores. Temos em destaque nesta edição. O delegado...